Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, assisté de Sophie. Cette émission est diffusée en direct lundi 18 juillet de 18h à 21h, en différé mardi 19 juillet dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Sophie, merci Franck. Je dis bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent en direct. En ce 18 juillet 2011, semaine B de la grille de programme de Radio Courtoisie. Je dis bonjour à ceux qui nous écouteront demain matin à partir de 9h pour la seconde partie de ce libre journal. Et bonne nuit à ceux qui, noctambules, insomniaques ou travailleurs de la nuit, nous écouteront à partir de 3h30 du matin. La première question dont nous allons débattre avec Christophe Benz et Christophe Beaumont. Christophe Benz, donc, qui est essayiste, ancien président du mouvement des jeunes pour la France, c'est-à-dire le mouvement de jeunesse de Philippe de Villiers et du mouvement pour la France, le MPF, et Christophe Beaumont, délégué à la communication du Club de l'Horloge. Et a-t-on le droit de décrypter l'antiracisme? Et je me tourne d'abord vers Christophe Benz, car Christophe Benz, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé justement « Décrypter l'antiracisme en une heure », publié aux éditions Tatami il y a quelques semaines à peine. Il a été imprimé en avril 2011. Alors racontez-nous dans l'ordre et en ménageant vos effets, cher Christophe Benz. Premièrement, pourquoi vous avez voulu faire ce livre? Deuxièmement, comment vous avez fait ce livre? Dans quelles conditions? Et troisièmement, ce qui vous est arrivé après avoir publié ce livre? Alors, pourquoi ce livre? D'abord parce que c'était un petit peu dans l'air du temps. On parlait beaucoup, notamment via les diverses péripéties judiciaires qu'a subi Éric Zemmour, donc de l'antiracisme. Donc, je dois bien l'avouer, c'était un peu une lubie que de décrire sur cette thématique-là en particulier, parce que j'étais tout simplement... j'étais scandalisé par les attaques faites à des journalistes, qu'ils soient, Éric Zemmour ou Robert Ménard ou d'autres, qui ont osé s'en prendre à l'antiracisme, osé critiquer l'antiracisme. Moi, du haut de mes 23 ans à l'époque, 24 maintenant, j'ai voulu aller plus loin dans l'insolence et faire un essai à vocation pédagogique, qui soit un minimum accessible, qui soit une sorte de vulgarisation de la thématique de l'antiracisme, pour en dénoncer les tenants et aboutissants. Ça, c'est le pourquoi. J'étais, en parallèle de ce livre que j'ai écrit à titre personnel, effectivement le président des Jeunes pour la France, jusqu'au mois de mai dernier. Le Jeunes pour la France, qui était le mouvement du MPF de Philippe de Villiers. Mouvement de jeunesse du MPF. De jeunesse du MPF, dirigé par Philippe de Villiers. Philippe de Villiers qui, au mois de mai, le jeudi 19 mai précisément, m'a appelé pour m'exclure du mouvement pour la France. Vous allez trop vite, oui. Parce que vous aviez pris quelques précautions quand même. J'avais pris énormément de précautions. J'avais fait valider par son chef de cabinet le livre. On avait fait relire par un avocat. L'éditeur l'a lu, relu, ainsi que ses actionnaires. Patrick Louis, le numéro 2 du mouvement pour la France, l'avait relu également. J'avais eu un certain nombre de validations qui m'autorisaient, à titre personnel, je précise, d'engager ma voix sur cette thématique-là. Ça n'a pas aidé du goût de Philippe de Villiers. Du tout, puisqu'il a annoncé le lendemain, d'ailleurs par voie de presse, le 20 mai, qu'il souhaitait donc m'exclure au motif de ce livre. Livre qu'il n'avait pourtant pas lu, puisqu'il me l'a bien précisé au téléphone. Et d'ailleurs, la dépêche de presse du lendemain en atteste. Je fais référence à la dernière phrase de la dépêche AFP, du 20 mai dernier, où Philippe de Villiers annonce qu'il m'exclut au motif du livre. Et dans la dernière phrase, il dit... Donc je mets des guillemets, c'est Philippe de Villiers qui parle. J'ai toujours dit que la France n'était pas une race, mais une civilisation. Fermez les guillemets, c'est ni plus ni moins ce que je dis moi à la page 42, il me semble, de mon livre, où je dis précisément que c'est l'occasion ici de rappeler que la France n'est pas une race, mais une nation. Voilà, nation, civilisation. Donc, preuve qu'il ne l'a pas lu, puisqu'il me fait dire ce que je n'ai pas dit. Puisque, évidemment, ce n'est pas du tout la thèse de mon livre que de théoriser une race française qui, pour moi, n'existe pas, bien évidemment. Je parle des races, je souhaite réhabiliter le terme de race dans le débat public. Et ensuite, je vais faire la critique de l'antiracisme, qui, pour moi, est idéologique, profondément idéologique. Voilà, voilà, voilà grosso modo, l'histoire. Alors, notre discussion, en fait, a deux objets. La première, c'est d'expliquer ce qui vous est arrivé, d'essayer de comprendre comment vous avez pu être victime de cette décision invraisemblable qui a choqué beaucoup de gens au Mouvement pour la France et autour du Mouvement pour la France. Votre livre n'a rien de scandaleux, au moins pour un homme de droite, d'une droite raisonnable. Il est tout sauf extrémiste, c'est une analyse sérieuse et très talentueuse, et d'autant plus talentueuse quand on songe à votre âge qui n'est pas avancé, puisque vous n'avez que 23 ans, 24 ans. 24 maintenant. Et comment expliquez-vous que Philippe de Villiers ait pris cette décision incroyable, alors que vous étiez, selon tous, l'homme qui avait redressé le mouvement des jeunes, qui lui avait donné un développement nouveau, et qu'il n'ait pas été d'accord avec vous, c'est déjà un petit peu curieux après les précautions que vous aviez prises, mais que de plus, il prenne une sanction aussi grave, c'est-à-dire l'exclusion immédiate, même pas l'exclusion avec sursis, si je peux plus dire, enfin, ou un avertissement, non, c'est l'exclusion pure et simple. C'est incroyable, c'est très choquant de la part de tous ceux qui pensent qu'en politique, il y a nécessité d'une certaine morale publique. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles, notamment au sein du Mouvement pour la France, pas seulement des jeunes, mais du Mouvement pour la France, j'ai eu beaucoup de soutien, parce que c'était tout simplement l'incompréhension la plus totale suite à cette décision. Moi-même, je n'ai toujours pas d'explication rationnelle, en tout cas, quant à l'homme politique que vous servez. Je crois que j'ai eu le mérite, effectivement, vous le précisiez, de pérenniser un mouvement jeune en lui rendant toujours cette dynamique suite à mon prédécesseur qui était Thibault Vincendeau, qui avait tout autant de mérite que moi pour dynamiser un mouvement jeune d'un parti politique dont le chef de file Philippe de Villiers est très peu présent dans les médias, pour ne pas dire quasi absent. C'est très difficile dans ces conditions-là. Donc on avait fait, Thibault puis moi, un travail, je pense, acharné pour redresser effectivement ce mouvement de jeunes, le mouvement d'une droite souverainiste à laquelle nous croyons. Cette éviction, elle n'a pour moi aucune raison, je le disais, rationnelle. Elle a sans doute des raisons qui ont été prises dans la précipitation, sous le coup de l'émotion, sans doute avec certaines influences négatives, il faut bien le dire. Je ne crois pas que Philippe de Villiers ait pris sa décision seul. Il a été soumis à des pressions. Pression, en tout cas influence. Influence, certainement. Pourquoi c'est... Non, je Christophe, bon, que... avez-vous des lumières sur la question ? Non, mais je pense que Christophe a bien décrit le problème. Alors, Christophe Benz. Christophe Benz, bien évidemment. Donc, il est président d'un mouvement de jeunes, d'un mouvement souverainiste dont le président est très rare, n'a pas... C'est éclipsé depuis un certain temps. Est très rare dans les médias, mais très rare de par un petit nombre d'invitations. Et donc, de par ce fait, je pense qu'il a pu craindre qu'un sujet aussi provocateur ou aussi pris à rebousse-poil lui ferme le peu de portes qu'il lui restait dans les médias. Et donc, l'une des hypothèses de travail étant... Vous pensez qu'il a craint qu'à cause du livre de Christophe Benz, il deviendrait tout à fait tricard, en étant qu'aux trois quarts tricard, il deviendrait exactement, tout à fait, et qu'il ne serait plus jamais invité nulle part, en dehors de Radio Courtoisie. À tel point qu'il se retrouve marginalisé totalement. Donc c'est une hypothèse, la seconde étant un peu la même, mais dite de manière différente, c'est-à-dire que le mouvement UMP a quand même, depuis un certain temps, tendance à vouloir réintégrer, ou du moins rester dans le cocon de l'UMP. Excusez-moi, l'UMPF a tendance à vouloir se réinstaller dans le cocon de l'UMP, et cela étant, il n'y a plus vraiment là de place pour de nouvelles analyses, de nouvelles hypothèses de travail, un mouvement de jeunesse qui soit plus guerrier, quoi, plus avancé. Cela gêne, en fait, ce type de position, ce qui est quand même aberrant en politique, puisque la politique, c'est un combat. Alors, Philippe de Villiers a eu le mérite, un très grand mérite, qui n'était pas d'ordre politique, c'est qu'il a fait le Puy du Fou. Le Puy du Fou est un chef-d'œuvre. Et vraiment, je conseille à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, s'ils peuvent aller en Vendée, d'aller au moins une fois dans leur vie au Puy du Fou. Je pense que Christophe Benz, que Christophe Beaumont, Sophie, si vous connaissez le Puy du Fou, vous partagez cette opinion. C'est donc, vous n'avez, Christophe Beaumont, vous n'avez jamais... Ni Euro Disney, ni le Puy du Fou. Oh, c'est votre... Non, c'est honteux ce que vous dites. Non, je suis toujours sceptique. Le Puy du Fou, c'est remarquable, ce n'est pas Euro Disney, c'est, où je ne suis d'ailleurs pas allé, je dois l'avouer, mais c'est très remarquable. C'est déjà, j'ai un peu... Le sujet est un peu limite, mais j'ai une vraie passion pour les reconstitutions historiques, il y en a beaucoup sur le terrain, avec de vrais passionnés, et une véritable histoire vivante. Mais on va dire à l'échelle humaine, bien que certaines reconstitutions, on commence déjà à être de vrais mouvements, on va dire, pas de foule, mais enfin de rassemblant un grand nombre de participants, autant j'ai toujours été sceptique. Écoutez, allez-y, vous verrez, je vous dis, moi, ce n'est pas bien, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Artistiquement, c'est de l'art total, c'est remarquable. Voilà. Bon, en tout cas, revenons à la situation politique de Philippe de Villiers. Philippe de Villiers a raté sa campagne présidentielle en 2007. Et ensuite, on ne peut pas dire qu'il est politiquement bien évolué, il s'est muré dans une espèce de solitude, il a été trahi par son second Bruno Retailleau, il a fini par perdre le département de la Vendée dont il avait été président depuis très longtemps. 22 ans, et donc il a reçu un coup de poignard dans le dos. Il faut dire qu'il l'avait un peu provoqué en l'empêchant de devenir ministre. Sarkozy avait voulu lui faire à Villiers ce qu'il a fait depuis à Villepin, c'est-à-dire... le dépouiller de ses principaux adjoints, de son principal adjoint, de son bras droit, Bruno Retailleau, député, en le nommant ministre. Pardon ? Sénateur. Sénateur, pardon. Sénateur. Il fut député, il est aujourd'hui sénateur. Il est aujourd'hui sénateur. Et donc, ce qui malheureusement devait arriver, n'aurait pas dû arriver, mais arrive parfois, c'est-à-dire que le fils spirituel, l'héritier, a trahi le père spirituel. Et donc, Bruno Retailleau s'est entendu avec l'UMP dans le département de la Vendée pour que Philippe de Villiers perdît ce département et qu'il fût mis en minorité. Donc, pour ne pas avoir cet affront, il a préféré démissionner avant les élections municipales, les élections cantonales, pardon, de mars 2010. Il a eu aussi un drame familial épouvantable dont la presse, malheureusement, sur laquelle la presse s'est étendue sans aucune pudeur et de manière scandaleuse. Nous n'en parlerons pas davantage ici, mais vous avez peut-être vu ce que la presse en disait. Et donc, c'est un homme éprouvé. C'est un homme éprouvé à beaucoup d'égards. Un cancer également. Et il a eu un cancer de l'œil qui était très rare. Donc, il faut peut-être comprendre qu'il est dans une situation où il ne garde pas le calme qu'il devrait avoir, qu'en politique, il vaut mieux avoir devant les épreuves. En l'occurrence, ce n'était pas lui qui avait publié ce livre, c'était vous, Christophe Benz. Oui. Le livre s'appelle « Décrypter l'antiracisme en une heure » aux éditions Tatami. Et il faut le lire. On peut le lire, j'en atteste en une heure. Même moi, légèrement moins d'une heure. Et c'est très intéressant. Voilà. Alors je propose que peut-être, à moins que vous vouliez tirer la leçon de ce qui vous est arrivé. Ah oui, dites-nous quand même ce que vous avez fait depuis... Alors oui, à l'issue de cette affaire de mon éviction par Philippe de Villiers, les jeunes... du Mouvement pour la France, ont souhaité démissionner par soutien envers moi, parce que certains avaient trouvé que cette éviction était injuste, en tout cas la sanction était injuste. Donc la quasi-totalité des jeunes ont démissionné. Je partage cette opinion, elle était injuste et scandaleuse. Voilà, je la trouve moi évidemment, au premier titre, scandaleuse, mais beaucoup au sein du Mouvement Jeune et certains au sein du MPF, et des gens comme Bernard Cellier... Même dans la procédure, on ne vous a pas convoqué pour vous dire, etc. On n'a pas dit, vous avez fait une erreur de jeunesse, ne recommencez pas. La procédure elle-même était scandaleuse. D'autant que ce qu'a très bien dit Christophe, c'est qu'il y a eu Christophe Benz, c'est qu'il y a eu un quasi-imprimatur. C'est-à-dire qu'il y a eu une autorisation à publier. Alors soit on assume, soit on n'assume pas. Mais une fois qu'on l'a autorisé à publier, revenir en arrière et le sanctionner... Alors, c'est pas lui-même qui l'a validé, mais c'est le numéro du mouvement et son chef de cabinet. Donc c'était pas n'importe qui. Et surtout qu'il ne peut absolument pas instruire le procès qu'il vous a fait, qu'il n'a même pas fait. Il a pris une décision sans procès. Tout à fait. Sur quoi que ce soit dans le livre qui justifie une sanction quelconque. Il me reprocherait une exclusion pure et simple et immédiate. Bien sûr. Qu'il vous a annoncé par téléphone un beau jour. Par téléphone la veille, de le mettre dans la presse, sur la place publique. Tout à fait. Si vous voulez, il n'y a pas eu de. Personne ne m'a prévenu, ça s'est fait dans la précipitation. Le jeudi, un coup de fil de Philippe de Villiers. Le lendemain, l'officialisation dans la presse de mon éviction. C'était, voilà, en 48 heures, c'était fait. Rappelons quand même que votre prédécesseur a été viré de la même manière. Parfaitement. Alors qu'il avait fait il avait pris une initiative qui était peut-être imprudente, si ça n'était pas la politique de Philippe de Villiers, mais enfin, il pouvait croire que ça l'était, puisqu'il avait voulu soutenir le pique-nique saucisson pinard. C'est ça. Qui avait été lancé, dont le projet avait été lancé par le groupe, le bloc identitaire. Identitaire, tout à fait. Voilà. Qui devait avoir lieu le 18 juin 2010. À la Goutte d'Or. Et d'ailleurs, bon, alors on peut toujours en discuter, mais moi j'avais compris, j'avais retenu des élections de 2007, de l'élection présidentielle de 2007, que Philippe de Villiers était un adversaire de l'islamisation de la France. Tout à fait. Et à cet égard, donc, il me semble que à la Goutte d'Or, le pique-nique qui n'a pas eu lieu finalement parce que la préfecture de police l'a interdit sur le thème saucisson pinard, évidemment, c'est un peu provocateur. Saucisson, c'est du porc, donc ça n'est pas permis aux musulmans. Et le pinard également, c'est de l'alcool, ça n'est pas permis aux musulmans. Bon. Mais si l'on est contre l'islamisation de la France, et pour la défense des traditions, y compris sur leur côté anecdotique et bon vivant, saucisson pinard, c'est sympathique, non ? Oui, c'est ça. Oui. L'éviction de Thibault Vincendeau, c'était la première incompréhension. C'est qu'on avait, eu une campagne présidentielle critique, très critique, sur l'islamisation rampante de notre pays. On s'est effectivement permis de participer à un mouvement assez fédérateur, puisqu'il n'y avait pas seulement les identitaires, il y avait des laïcs, des ripostes laïques, etc. Plusieurs mouvements qui y participaient. Pour fustiger un certain nombre de dérives communautaristes, en l'occurrence, effectivement, qui concernent les musulmans. C'était effectivement une provocation. Maintenant, est-ce que ça méritait l'éviction de Thibault Vincendeau? Je ne le crois pas. Évidemment, c'est toujours un problème de sanction. La sanction était... Christophe Beaumont. Alors, sur le plan anecdotique, mais néanmoins, les organisations jeunes entre des mouvements politiques ont toujours été à la pointe, normalement, du combat de l'organisation en tant que telle. Et traditionnellement, la méthode voulait qu'il y ait à la fois deux structures totalement indépendantes. C'est aussi bien à gauche qu'à droite. Le mouvement des jeunes communistes, etc., y compris donc dans d'autres structures. Et ce qui permettait justement cette liberté un peu de manœuvre propre à toutes les structures jeunes qui sont forcément ou nécessairement plus énergiques et un peu à la limite de ce qui est la voie officielle, on va dire, d'un mouvement. Et ce qui est un peu bizarre dans cette on va dire, logique du MPF, c'est à la fois vouloir un mouvement jeune fort, donc qui est forcément combatif, et en même temps vouloir qu'il soit au bot, ce qui est en même temps contradictoire, dans la mesure où il est difficile d'avoir un mouvement de... Non, il peut se faire. Alors là, combatif. Vous parlez en général d'organisation politique et de parti. Il peut se faire, Christophe Beaumont, que des mouvements de jeunes, effectivement, emportés par leur jeunesse ou par leur volonté de se distinguer, finissent par faire scission ou par être exclus. Globalement, c'est comme ça d'ailleurs que le mouvement des jeunes communistes, ou une partie du mouvement des jeunes communistes, dans les années 1960, est devenu trotskiste, s'est séparé du Parti communiste et a créé la JCR, les jeunes communistes révolutionnaires, qui sont à l'origine de la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire d'Alain Krivine, et donc du nouveau parti anticapitaliste de Besancenot ou de M. Poutou aujourd'hui. Bien. Je vous signale, au cas où ça vous aura échappé, que c'est M. Poutou qui a remplacé M. Besancenot comme candidat trotskiste, nouveau parti anticapitaliste, pour la prochaine élection présidentielle, s'il arrive à avoir les 500 signatures. Bien. Mais en l'occurrence, je connais bien beaucoup de gens au MPF, et je crois que personne n'avait soupçonné à aucun moment Christophe Benz d'avoir voulu faire scission, de s'être opposé à Philippe de Villiers si peu que ce soit. Il était parfaitement loyal. Personne ne discutait sa loyauté. D'ailleurs, à ma connaissance, Philippe de Villiers lui-même n'a jamais discuté votre loyauté, Christophe Benz. Non, bien sûr que non. Il vous a simplement reproché d'avoir dit sur l'antiracisme des choses que vous n'aviez pas le droit de dire. Tout et c'est fait. Là, alors nous allons élargir le débat. Et je voudrais que nous puissions, au-delà de cet incident très grave, très regrettable, qui ne témoigne pas en faveur de Philippe de Villiers, Christophe Benz, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qui viennent donc de prendre l'émission que j'ai comme invité Christophe Benz avec Christophe Beaumont. Mais Christophe Benz est essayiste, il a publié Décrypter l'antiracisme en une heure aux éditions Tatami, et il est l'ancien président du mouvement des jeunes pour la France, dont il a été exclu à la suite de la publication de son livre par Philippe de Villiers du jour au lendemain. Voilà. Par un tout appel téléphonique, du jour au lendemain, vous êtes viré, terminé. Bon. Alors, j'aimerais que nous nous intéressions maintenant à ce que signifie, au-delà du cas Villiers et du cas Benz, ce que signifie le fait qu'il y ait de telles pressions sur l'antiracisme et que l'on ne puisse pas, semble-t-il, en parler correctement. Alors, avant que vous nous disiez le fond de votre analyse, Christophe Benz, expliquez-nous comment vous interprétez cette pression incroyable. Alors, vous direz que vous parlez de Zemmour qui a été victime avant vous de quelques ennuis médiatiques, qui me paraissent d'ailleurs plus contestables que les vôtres, enfin ça j'en parlerai peut-être, mais il y a une forte pression sur le sujet. Donc le racisme, c'est mal, et l'antiracisme, c'est bien. Exactement, c'est très manichéen comme façon de voir les choses, tout à fait, mais c'est ça. Je me suis rendu compte, je l'imaginais, que l'antiracisme est intouchable. Effectivement, c'est le camp du bien, et personne ne peut le contester. À partir du moment où on critique l'antiracisme, on s'attaque alors là à une gigantesque organisation qui, c'est ce que je dis à travers mon livre, a des méthodes qui sont idéologiques, qui s'approchent de méthodes totalitaires dans le sens où on ne peut pas débattre de l'antiracisme actuel, on ne peut pas le critiquer. Alors, la liberté d'expression, oui, sauf sur l'antiracisme, j'allais dire. Voilà, donc ça c'est très grave. Lorsqu'on n'a plus la liberté de critiquer un système d'organisation, en l'occurrence antiraciste, c'est grave, c'est qu'on tombe dans un système idéologique assez dangereux. Et c'est ça l'idée, et c'est ce qui a démarré, c'est ce qui a déclenché en moi l'envie de critiquer, d'aller plus loin dans la critique de l'antiracisme, et de faire acte d'insolence à 24 ans, et il faut le faire, je pense, vis-à-vis de ce système antiraciste. Alors expliquez-nous quelles sont les principales thèses de votre ouvrage, Christophe Benz. Alors ma thèse, elle est simple. Il y a deux parties. La première, c'est de restaurer une réalité. C'est la réalité de l'existence de races humaines. Ce n'est pas être raciste que de dire cela. C'est simplement distinguer. Comme je le dis au début de mon livre, la distinction, c'est l'intelligence. C'est le discernement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se rend compte que dans le paysage politique, mais surtout médiatique, dominant, Le terme de race est totalement nié sur les grandes chaînes de télévision, qu'elles soient publiques ou non, à la radio, sauf Radio Courtoisie, évidemment, puisque c'est la deuxième fois que je suis invité à votre émission. Vous avez été invité, vous êtes déjà passé à l'antenne de Radio Courtoisie, et d'ailleurs vous avez préenregistré une émission de Paul Maricoteau. Tout à fait. Il va passer en août, le 17 août. Donc précisément, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Est-ce que le terme et la notion de race est nié alors que dans la Constitution, dans la Déclaration des droits de l'homme, dans le dictionnaire, ces mots existent, ce mot existe. Le terme race est un mot français. Donc ça, c'est la première partie, c'est de restaurer un certain nombre de réalités que l'antiracisme nie, alors que, comme je le dis... Alors restons sur ce plan. Les races existent, bien entendu. Alors la race, c'est une... qu'est-ce que veut dire le mot race ? Le mot race a plusieurs acceptions dans le français classique, et aujourd'hui, on a distingué la race et l'ethnie. Autrefois, le mot race était ambigu, et on l'employait soit au sens d'ethnie, soit au sens de race. L'ethnie est une notion purement culturelle, et la race est aujourd'hui, dans le vocabulaire, classique et normalisé, une notion purement biologique. Il y a des races humaines, il y a des races au sein de l'espèce humaine, de la même manière qu'il y a des races au sein de la plupart, en tout cas de beaucoup, d'espèces animales. L'homme a certes une âme, un esprit, une culture, mais il est aussi un animal. Il appartient à l'espèce Homo sapiens, au genre Homo, à la famille des hominidés, et à l'ordre des mammifères. Non, à la classe des mammifères, je ne voudrais pas dire de... À l'ordre des primates et à la classe des mammifères. Bien. Et donc, il n'est pas étonnant que l'espèce humaine soit divisée en races, c'est-à-dire en variétés biologiques. La distinction entre les races étant purement génétique, ça n'a rien de... Ce sont les gènes que nous avons dans notre patrimoine génétique qui font les distinctions entre les races animales ou humaines. C'est de la science purement objective et biologique. Alors cela dit d'ailleurs, là, le paradoxe, c'est que ceux qui voudraient faire croire que les races n'existent pas sont les premiers à appeler au métissage. Tout à fait. Ce qui est quand même extraordinaire, parce que par définition, il n'y peut y avoir métissage que s'il y a plusieurs races. Exactement. Et d'ailleurs, le métissage est de la liberté de chacun. Ce qui n'est pas forcément acceptable, c'est qu'on le rende obligatoire, qu'on en fasse une ardente obligation et que l'on veuille toujours nous expliquer que la défense de l'intégrité d'une population comme la France serait une mauvaise chose. Voilà. Sur ce point, soyons très clairs. L'humanité est divisée en races, et jusqu'à présent, il faut parler vite parce que les choses sont en train de changer, la France était un pays de race blanche. Tout à fait, c'est ce que notamment la fameuse phrase du général de Gaulle qui dit que c'est bien que la France, qu'il y ait en France des Français bruns, des Français noirs, etc. Mais la France est avant tout un pays de race blanche, de culture grecque et latine, de religion chrétienne, etc., etc. Donc le général de Gaulle qui pourrait difficilement être soupçonné de racisme, de fascisme, j'allais dire. Simplement, oui. Alors écoutez, je vais donner cette phrase parce qu'elle est très importante. Elle est citée par Alain Perfitte. Et elle remonte au 5 mars 1959. Alors, cette phrase, je dis souvent à l'antenne, parce que je l'ai citée souvent dans cette émission, qu'il faudrait la réciter sur les questions d'immigration ou d'identité comme la prière du matin. C'est la suivante, c'est De Gaulle qui parle. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même, avant tout, un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. C'est cité donc dans le livre d'Alain Perfitte, C'était de Gaulle, édition de Fallois, 1994, tome 1, page 52. Alors, cette phrase est très importante et évidemment, elle montre tout de suite que l'un des problèmes sur lequel d'ailleurs vous êtes discret dans votre livre, et qui va au-delà de l'islamisation, c'est ce qu'il faut appeler la mélanisation de la France, Christophe Beaumont. Car, que je sache, il commence à y avoir en France un problème noir, qui est aux États-Unis bien réel, et qui en France est en train d'apparaître, que Raymond Cartier, dans les années 1960, dénonçait les prémices, et qui aujourd'hui a pris une proportion importante, et qui est totalement distincte du problème religieux ou du problème de civilisation que pose l'islam. Christophe Beaumont. Et qui, du reste, aux États-Unis n'est pas nié, puisque tout le principe de la discrimination positive américaine consiste justement à distinguer des groupes différents. Alors, aux États-Unis, effectivement, les races sont comptées comme telles, ouvertement. D'ailleurs, c'est amusant, parce que vous savez qu'il y a une controverse assez bizarre sur le lieu de naissance de Obama. Les gens qu'on appelle les nativistes ou les birthers en anglais prétendent que Obama n'est pas né aux États-Unis, il n'est pas né vraiment à Hawaï, comme le dit apparemment son extrait d'acte de naissance, ce qui l'empêcherait de devenir président, ce qui aurait dû l'empêcher, d'après eux, de devenir président des États-Unis. Bon, alors ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux, extraordinaire, mais ce qui est amusant, c'est que lorsque finalement, sous la pression, le président Obama a publié son acte de naissance complet. Les sceptiques ont dit « Ah oui, mais la preuve que c'est un faux, c'est que sa race est définie comme africaine, alors qu'à l'époque, enfin African en anglais, alors qu'à l'époque, lors de sa naissance, dans les statistiques, on mettait Negro, nègre ou noir, et non pas African. Donc c'est la preuve que c'est une fabrication. Alors je ne pense pas que ce soit une fabrication, ça me paraît quand même un peu extraordinaire. Mais on ne peut rien exclure, les Américains sont capables de tout. Et toujours est-il que les Américains, eux, ont des rubriques statistiques classant les gens selon leur race, et désignés comme tels, donc blancs, alors ce sont des races d'ailleurs qui sont pas toujours des races au sens biologique du terme, parce qu'on peut être classé blanc ou noir, mais aussi hispanique, mais aussi, bon, ils ont des catégories semi-ethniques, plutôt ethniques que raciales, en fait. Mais qui sont officiellement recensés et qui permettent la mise en œuvre de leur politique dite d'affirmative action, de redistribution, oui. au sens propre d'action affirmative, c'est-à-dire en français de discrimination positive, de pseudo-discrimination positive, consistant systématiquement à favoriser les gens d'une certaine race, considérés comme minoritaires ou comme brimés. Les Noirs ayant été esclaves autrefois, il faudrait que les Noirs d'aujourd'hui bénéficient en permanence d'avantages particuliers, en particulier de quotas pour l'accès à l'université. Et tout à l'heure, nous parlions avec Olivier Delamarche de l'affaire des obligations, des emprunts de second rang, les fameux subprimes. L'une des raisons pour lesquelles il y a eu la crise financière, c'est qu'une loi américaine obligeait les banques à prêter à des gens insolvables. Et pourquoi les obligeait-elles à prêter à des gens insolvables? Pour des raisons de discrimination pseudo-positive. En effet, la charge de la preuve est renversée en droit américain. C'est-à-dire que si vous avez dans la zone où vous travaillez, où vous employez, où est votre entreprise, s'il y a 20% de Noirs, et que vous avez dans vos effectifs 5% ou même 15% de Noirs, c'est-à-dire moins que la moyenne de la population, vous devez justifier, vous devez démontrer que ce n'est pas de votre faute, que vous n'avez pas fait de discrimination raciale, que c'est parce que les choses ne l'ont pas permis. Sinon, vous risquez d'être condamné lourdement. Et en matière de prêts, eh bien, du temps de Clinton, du président Clinton, le gouvernement américain a dit « mais c'est scandaleux, les banques prêtent beaucoup moins aux Noirs ou aux Hispaniques qu'aux Blancs. Bon. » Et donc, c'est qu'elles doivent être racistes, elles font de la discrimination au détriment des Noirs ou des Hispaniques. Et on va les obliger à ne plus faire de discrimination. Et comme il est très difficile de démontrer qu'on ne fait pas de discrimination, alors qu'en fait, les banques ne prêtaient pas aux Hispaniques ou aux Noirs parce qu'ils étaient insolvables, enfin, beaucoup d'entre eux étaient insolvables, pas du tout pour des raisons raciales ou ethniques, ben, les banques se sont mises à prêter sans vérifier les dossiers des emprunteurs. Et elles l'ont fait d'autant plus facilement, mais alors ça nous fait sortir du sujet de l'antiracisme, que le système financier leur permettait de se défausser des prêts qu'elles faisaient à des gens insolvables sur le reste du monde, sur le reste du système financier, grâce aux organismes bien connus maintenant, Freddie Mac et Fannie Mac, Freddie Mac et Fannie Mae, qui sont l'équivalent de la Caisse des dépôts aux États-Unis, et grâce à la titrisation qui permet de mettre tous les mauvais prêts ensemble avec des bons prêts, de créer une espèce de mélange financier que l'on va ensuite revendre par petits bouts aux banques de la planète. Voilà, donc il y a une grande différence entre la France et les États-Unis. Je ne sais pas si c'est à l'avantage des États-Unis, mais toujours est-il que les races sont bien une réalité. Deuxième point d'information, c'est l'actualité de la recherche médicale et de l'efficacité de traitement, puisque toutes les évolutions, les principales aujourd'hui, vont sur les thérapies géniques. Et donc, fatalement, on travaille à partir d'une logique raciale forte. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les traitements ne devaient pas être identiques selon les groupes humains. Et troisième point de remarque, c'est l'évolution, mais ça va aussi nous le faire sortir du sujet, de la négation de la notion de race, maintenant la négation de la dimension sexuelle, homme-femme, pour aller vers la nouvelle théorie du genre, puisque après avoir nié la race, maintenant on y met l'identité sexuée. Alors le point important, c'est cette théorie américaine du genre qui nous fait sortir de l'antiracisme. Pas qu'on peut dire que ça ressemble, c'est quand même la même idéologie. La négation du réel. Oui. Mais Christophe, le point que je voudrais signaler immédiatement, c'est que ce ne sont pas les socialistes qui ont mis en œuvre en France l'enseignement de cette théorie absurde et gauchiste du genre. C'est M. Luc Châtel, ministre de l'éducation nationale, ou pseudo-nationale, en l'occurrence, de M. Sarkozy. Donc c'est sous un gouvernement dit de droite, et un président dit de droite qui est Nicolas Sarkozy, qu'on met en France cette théorie totalement destructrice, contraire au bon sens, mais totalement destructrice, de la famille, qui consiste à dire qu'on ne naît pas homme ou femme, comme disait Simone de Beauvoir, mais qu'on le devient, ce qui est évidemment contraire à toute évidence biologique. On est homme ou femme en fonction de ses gènes. On sait maintenant que c'est parce qu'on a un chromosome Y dans un cas, un chromosome X dans l'autre, et on a certaines hormones et certains gènes. Et de même que les races sont une vérité d'évidence, bien qu'il y ait des cas intermédiaires, des métis entre toutes les races, et de même la distinction des sexes, et ce n'est pas simplement une question d'habillement, est en général assez claire. Il y a des caractères sexuels secondaires qui montrent bien que les hommes et les femmes, les hommes au sens du latin vir et les femmes, eh bien, ne sont pas tout à fait identiques. Alors nous avons le plaisir, le bonheur d'avoir au téléphone notre ami Bernard Anthony. Bonsoir, chers amis de Radio Courtoisie, bonsoir Henri de Lassalle. Alors, Bernard Anthony, je reçois actuellement Christophe Benz. Alors Christophe Benz est l'ancien mouvement des jeunes pour la France de Philippe de Villiers. Et il vient d'être exclu brutalement par Philippe de Villiers parce qu'il a publié un livre aux éditions Tatami, Décrypter l'antiracisme en une heure, livre dont je conseille évidemment la lecture aux auditeurs de Radio Courtoisie, pas seulement parce qu'il se lit en une heure, mais parce qu'il porte sur un sujet essentiel et qu'il est très intéressant. J'ajoute d'ailleurs, Christophe Beaumont, vous aurez pu le préciser, qu'il y a un autre livre sur le sujet qui est intéressant. Exactement, l'ouvrage de Pierre Milan. Non, ce n'est pas Pierre Milan en l'occurrence, mais c'est le Club de l'Horloge. Du Club de l'Horloge, mais c'est sous la direction de De Pierre Milan. Enfin, écoutez. Non, pas de Pierre Milan. Toujours dans le doute. Sous la direction d'Henri de Lescave, pour vous le dire. Apparemment, vous avez. L'ouvrage existe physiquement. Il s'appelle Penser l'antiracisme, donc qui est un titre proche du tien, enfin de celui de Christophe Vance, et qui est lui paru aux éditions Godefroy de Bouillon. Je crois qu'il est disponible. Il est encore disponible. Oui, il est disponible aux éditions Godefroy de Bouillon. Il était d'ailleurs en vente à la fête de la courtoisie du 19 juin. Et donc, Penser l'antiracisme est une analyse. Alors là, ça se lit en un peu plus d'une heure. Hein. Oui, il faut quelques heures de plus. Un peu moins militante, mais un peu plus philosophique. C'est une analyse philosophique de la question de l'antiracisme et du fait que, du paradoxe principal, et là je me retourne ensuite vers Bernard Anthony, qui me pardonne de ne pas lui avoir encore donné beaucoup la parole, Bernard Anthony, c'est que dans ce livre Penser l'antiracisme, on montre le paradoxe qu'il y a de la part des prétendus antiracistes à invoquer les valeurs universelles, l'universalisme, et à ne pas les appliquer à la question de l'antiracisme qui est toujours utilisée de manière unilatérale. Qu'en pensez-vous, cher Bernard Anthony ? Bah, écoutez, Alors je rappelle que vous êtes président de la Griffe. Hein. Expliquez-nous ce que c'est que la Griffe. Alors, à ce que j'entends depuis quelques minutes, et ça ne m'étonne pas, je suis en grand accord avec ce que vous dites, et je crains presque de ne faire que des redites. Mais cependant, je crois que mes réflexions de la journée, puisque j'écris en ce moment la prochaine publication de la Griffe, qui est notre feuille d'information, eh bien, je réfléchissais justement, vous voyez comment je titre, j'en donne la primeur aux auditeurs de Radio Courtoisie, la mort de l'humanité, c'est très dur, j'écris, la mort de l'humanité, finalité de l'antiracisme. L'ultime étape, sa dissolution nucléaire avec l'idéologie dite du genre. C'est peut-être un peu abstrait, mais j'ai tenté de faire un rappel de l'évolution de ce que l'on appelle l'antiracisme. En me plaçant du point de vue du président de la Griffe, la Griffe est tout à fait hostile au racisme si celui-ci est considéré comme ce qu'il devrait être, l'aversion, la haine à l'égard de qui que ce soit en raison de ses origines raciales. Mais on a vu ensuite le soi-disant antiracisme évoluer dans une acception plus large du terme raciste, c'est-à-dire que là, donc, il fallait prendre en considération, au-delà de la race, l'appartenance nationale, l'appartenance religieuse, soit, mais ensuite, ce que l'on a vu, c'est que ce curieux antiracisme n'est pas du tout le contraire du racisme, c'est au contraire, donc, il est devenu le racisme absolu. C'est-à-dire le racisme de la haine du réel, de l'égalité, de l'égalitarisme, de l'indifférenciation absolue. Donc, a été imputé raciste toute attitude préférentielle pour sa culture, sa civilisation, son patrimoine, sa religion, que sais-je encore. Et c'est là qu'on voit très bien comment, là, il s'agit d'un grand mouvement subversif. Et donc, l'antiracisme n'a cessé de progresser dans le cheminement nihiliste de la haine du réel, de la haine de l'être. Et je crois qu'il est aujourd'hui, donc, à l'ultime étape, ce que j'appelle la dissociation nucléaire de la société. Je vous entendais parler tout à l'heure, cher Henri de Lesquin, avec beaucoup de pertinence, de ce qui distingue heureusement l'homme et la femme. Mais donc aujourd'hui, avec la théorie du genre, nous sommes dans une idéologie surréaliste. Alors, ça serait pas grave si elle n'était que surréaliste, mais hélas, elle s'applique dans les manuels scolaires. On affirme que nous ne naissons pas masculins ou féminins, que cela, c'est la perversion millénaire de la société archaïque qui nous a construit homme ou femme, et que chaque individu devrait librement faire éclore son genre sexuel, lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel. Et gay, c'est homosexuel en français. Hein. Gay, c'est homosexuel en français. Oui. C'est ça, voilà. Si vous étiez dans le studio de Radio Courtoisie, j'exigerais de vous une amende de 1 centime d'euro. Ah oui, mais cher Henri, je prends quand même, je paierais volontiers, mais les mots tels qu'ils sont employés, je les mets toujours entre guillemets. Ah oui, mais les guillemets ne s'entendent pas. Ouais, non. Les guillemets ne s'entendent pas, hélas, mais quand j'emploie ce mot-là, c'est toujours entre guillemets. D'ailleurs, pour moi, gay ne veut pas dire homosexuel, puisque je retiens le proverbe français, gay, marions-nous. Oui, mais bien sûr. mais moi, je prends ce là... Ce n'est pas une apologie du mariage homosexuel. Hein. Ce que j'entends par là, c'est ce qu'on appelle l'idéologie LGBT, et je ne m'y retournais pas du tout, ou BLGT. Alors, c'est-à-dire lesbienne, lesbienne, bisexuelle, voilà. Gay et transsexuelle. Voilà, c'est pour non, ça. C'est mon ordre. Mais tout ça entre... Non, mais c'est tellement épouvantable qu'il vaut mieux le dire avec calme, car c'est la traduction d'une idéologie totalement délirante, délirante, qui est presque officielle aujourd'hui. C'est pour ça. Alors, voyez-vous, je crois que là, je pense que je me fais un peu renforcer, ce que vous disiez, avec ma propre expression. On est rentré là dans une utopie désormais enseignée dans les écoles de haine de la création, l'utopie de la grande subversion d'Elisabeth Badinter, qui veut faire accoucher les hommes, je n'invente rien, ce que Dieu n'a pas prévu. Alors, en conclusion de mon article, ça ne vous étonnera pas, je suis chrétien, je crois que l'antiracisme se manifeste véritablement comme diabolique. Quelle est l'origine du mot diabolique? C'est le grec diabolos. Hein. Donc, c'est-à-dire la dissociation, donc c'est qui désunit. En grec, diabolos signifie qui désunit. Eh bien, je crois que c'est cela aujourd'hui. En fait, la théorie du genre, dite, alors là, entre guillemets, on appelle ça gender, puisque c'est. Ah ben, en français, c'est le genre. Gender, c'est le genre en français. C'est le genre en français, bon, voilà. Il n'y a aucune raison de le dire en anglais. Pardon? Il n'y a aucune raison de le dire en anglais. Le gender, ça veut dire genre. Je prends ça aussi parce que c'est ainsi que ça s'était introduit, parce que ça fait bien. Hein, donc, en l'occurrence, cette théorie, cette idéologie du genre, c'est l'idéologie de dissociation du genre humain. Parce que le genre humain, il est fait du genre féminin et du genre masculin, point. Et alors là, je crois que ça n'est pas autre chose qu'une bombe de fragmentation nucléaire. Hein, c'est la volonté de dissocier, et là, il y a quelque chose de diabolique, et donc c'est un attentat atomique, en quelque sorte, de dissolution absolue de l'humanité. Bon, je vous arrête, Bernard Anthony, parce que j'aimerais apporter deux remarques. D'abord, dire que vous êtes le président de la Griffe, rappeler que vous êtes le président de la Griffe, que la Griffe, ça veut dire, c'est l'apostrophe à Griffe, oui. C'est l'Alliance Générale contre le racisme et pour l'identité de la France. L'identité française et chrétienne, pardon. Alors, attendez, donnez le titre exact, c'est Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. AGRIF. Et l'AGRIF publie une revue qui est bimensuel, non Non, ça n'est que tous les trimestres. Tous les trimestriels, pardon, qui s'appelle La plus loin griffe, GRIF2FE. Donc c'est un jeu de mots, un calembour que l'on vous doit. Oui. Et donc cette excellente revue, La plus loin griffe, revue de La Griffe, oui. Eh bien, contient des articles fort intéressants qui sont souvent signés Bernard Anthony. Hein. Oui. Mais vous avez des avocats dans votre manche qui sont des ardents défenseur de votre cause, qui consiste à essayer de retourner la législation antiraciste contre les adversaires de la nation et de la France, oui, et qui sont notamment Maître Triomphe, je crois. Oui, et d'autres. Et d'autres encore, Maître Wagner, peut-être aussi. Encore, le cher Maître François Wagner, voilà. Le cher Maître Pierre-Marie Bonneau à Toulouse. Bien, deuxième remarque, ce que vous décrivez... dans cette idéologie du genre et de cette idéologie antiraciste, il faut bien comprendre, c'est essentiel, c'est que ce n'est qu'une manifestation de l'utopie égalitaire poussée à son extrémité. Ah oui, oui. C'est l'utopie égalitaire qui est derrière les théories de la gauche, les idéologies de la gauche, qui prennent différentes formes, qui sont plus ou moins étatistes ou plus ou moins cosmopolites. Actuellement, il y a toujours beaucoup d'étatisme, mais moins qu'il n'y en eut autrefois, au moins au niveau de la théorie, le marxisme a beaucoup perdu. Et en revanche... le cosmopolitisme qui ne dit pas son nom est devenu l'idéologie dominante parce que c'est l'idéologie de la superclasse mondiale. Et c'est beaucoup plus que le simple mondialisme. Le cosmopolitisme, qui est la philosophie ou l'idéologie des citoyens du monde, c'est-à-dire des citoyens de nulle part, des non-citoyens, de ceux qui refusent d'être citoyens et enracinés, c'est non seulement la volonté de laisser circuler les marchandises et les hommes librement, sans frontières, d'abolir les frontières, mais c'est aussi le refus des traditions et des distinctions, des catégories qui fondent toute civilisation, la catégorie du genre ou du sexe, la catégorie de la race, et ainsi de suite, les identités nationales, tout ça doit disparaître. Cher Henri, si vous permettez, pour moi, voyez-vous, Moi, en tant que défenseur, comme vous, si l'année, donc de notre identité française est plus imprégnée de christianisme, ce que je constate, c'est que finalement, l'antiracisme a débouché sur le racisme absolu qui est un racisme anti-humain. Parce que de quoi est faite notre humanité? Et en cela, je suis anti-cosmopolite comme vous, mais pas du tout universaliste. Il y a des principes universels, ceux de l'appartenance à une province, à une nation, à une culture. Donc tout ça, ce sont des bons principes universels. Mais il y a dans l'antiracisme réellement la haine de l'être. C'est-à-dire, c'est plus compréhensible en termes simples, la haine du réel. Moi, je crois que là, l'antiracisme a débouché sur le racisme absolu, et c'est pour ça que un de mes amis totalement agnostiques, que vous connaissez, me disait, c'est un grand professeur de psychologie, vous le connaissez, Henri. Ah oui, je le connais très bien. Notre ami Jacques Corras, il me disait, il est difficile de croire en Dieu, mais quand on voit de tels attentats contre le réel, votre expression diabolique est parfaitement justifiée, on est là réellement de comme une oui, mais mais c'est l'utopie égalitaire qui est diabolique, et c'est elle qui a conduit, d'ailleurs, elle est à l'origine de toutes les catastrophes qu'on a connues dans l'histoire, enfin les plus graves en tout cas, y compris d'ailleurs la Shoah des Juifs, car elle avait contaminé évidemment le national-socialisme de Hitler, et d'ailleurs dans le livre de Christophe Benn, Décrypter l'antiracisme en une heure, il y a ce rapprochement entre les différentes idéologies socialistes ou totalitaires dont l'antiracisme fait partie. Je crois qu'il est bon qu'il y ait des émissions comme cela, parce que je pense qu'on est en train, nous sommes en train de le dévoiler dans sa, j'allais presque dire, dans son intrinsèque. Alors écoutez, je vais vous poser, une question, une devinette à tous deux, Christophe Benn, c'est vous, Bernard Anthony. Qui a dit, alors c'est une devinette vicieuse. Hein. Je m'en doutais avec vous, Henri de Lestin, oh là là là là. Qui a dit l'écart l'écart qui sépare le peuple allemand de l'ensemble de l'espèce humaine n'est pas moindre que l'écart entre l'humain et l'animal. Je répète, l'écart qui sépare le peuple allemand de l'ensemble de l'espèce humaine. Je puis y répondre. C'est chez moi que vous l'avez probablement trouvé, parce que c'est en réalité, c'était une affirmation d'une secte raciste juive, et il en existe, c'est notamment une affirmation de Lubavitch. Alors il faut dire qu'effectivement, j'ai appliqué une technique que je connaissais bien, mais que j'ai pensé récemment en lisant le livre de Pascal Boniface sur les intellectuels faussaires, et qui dit, pour vérifier l'universalisme de ces interlocuteurs, il faut leur poser en blanc la question, sans dire le nom. Voilà. Alors là, je ne l'ai pas posé en blanc, parce que c'était impossible. J'ai remplacé juif par allemand. La vraie phrase est la suivante. Voilà, oui. L'écart qui sépare le peuple juif de l'ensemble de l'espèce humaine n'est pas moindre que l'écart entre l'humain et l'animal. Oui. Et c'est une citation du rabbin Joël Kahn, qui a été publiée dans la revue de la secte juive des Lubavitch. Oui, oui. Alors, c'est assez joli. Je vous signale quand même, quand vous dites que c'est une secte extrémiste particulière, etc., c'est que je soutiens pour ma part cette citation du rabbin Joël Kahn s'appuie sur le Talmud. Le raisonnement étant que les juifs talmudiques sont les seuls à obéir à la loi divine qui est la Torah, et que tous les autres hommes obéissent comme les animaux à la loi de nature. Donc, conclusion, la différence de principe entre les juifs talmudiques qui obéissent à la Torah, à la loi divine, et les autres hommes, est plus grande que celle qu'il y a entre les autres hommes et les animaux. Oui, alors ça, c'est un racisme extrême, radical. Et commenter, en même temps, la vérité exige de dire que le Talmud c'est une suite de débats, de casuistiques, d'oppositions sans fin. Il n'y a pas donc il y a une immense jungle du Talmud, mais que j'ai été il y a peu en pèlerinage en Terre Sainte, et des amis juifs israéliens étaient tout à fait aussi hostiles que nous. Donc, nous parlons d'une religion, nous ne parlons pas des gens qui sont souvent de très grande valeur. Un nombre de racidimes, et notamment de celle de la secte des Lubavitch, et je traite de cela d'ailleurs dans un prochain livre à sortir, un peu sur le mode d'Henri Béraud, qui s'appelle « Ce que j'ai vu en Terre Sainte ». Voilà. Ah ben, ce sera un livre passionnant, et j'espère que vous viendrez en parler, non seulement dans votre propre émission, mais dans la mienne, lorsqu'il sera publié. Alors, restez au téléphone le plus longtemps possible. Je me retourne à nouveau au Bernard Anthony en rappelant que vous êtes, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes le président de l'AGRIF, Alliance Générale contre le Racisme et pour l'identité française. Et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Et pour le respect. Et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Et que vous préparez actuellement le prochain numéro de l'AGRIF, G-R-I-2-F-E, c'est-à-dire la revue de l'AGRIF, l'A-G-R-I-F. Et que vous êtes bien entendu aussi patron d'émission Radio Courtoisie, que vous avez une excellente revue qui s'appelle Reconquête, que vous êtes beaucoup de choses et un grand militant de la cause nationale et universaliste et catholique. Je veux dire au passage, et avant de me retourner vers Christophe Benn, je ne voudrais pas l'oublier, que vous avez fait une distinction essentielle entre l'universalisme et le cosmopolitisme. Je pense qu'un bon Français ne devrait pas pouvoir combattre l'universalisme. La France est un pays universaliste, profondément et intrinsèquement universaliste. En revanche, le cosmopolitisme est une déviation, une perversion de l'universalisme. Le véritable universalisme, le bon, et le seul cohérent d'ailleurs, en fait, n'est pas celui qui se rattache à l'utopie égalitaire et qui est donc qui peut être cosmopolite. Le véritable universaliste, c'est ce que j'appelle, c'est ce que nous appelons au Club de l'Horloge, et notamment dans ce livre dont nous parlions tout à l'heure, Penser l'antiracisme, l'universalisme de l'incarnation. Ou l'universalisme identitaire. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs universelles, ou d'ailleurs à la limite à un certain degré d'abstraction, toutes les valeurs sont universelles, mais la manière dont on compose ces valeurs universelles, elle est forcément propre à chaque ère culturelle, à chaque civilisation, et définit une identité. Parce que ce qui compte en fin de compte, à la fin, ce n'est pas seulement les valeurs qu'on énonce, mais le poids qu'on leur donne. Et la manière dont on règle les conflits de valeurs. Je donne souvent, Bernard Anthony, c'est l'exemple du voile islamique. Dans l'Orient islamique, comme en Occident, il y a un conflit de valeurs entre, disons, pour schématiser à l'extrême, la pudeur et la liberté. La pudeur qui veut que les femmes se voilent pour ne pas exciter les hommes vicieux, ou pour ne pas créer de troubles, de troubles et de désirs déplacés. Et la liberté qui veut que les gens soient, les femmes notamment, puissent s'habiller comme elles l'entendent et qu'elles ne soient pas contraintes dans leur habillement. Bien. Ça n'est pas que l'islam ne connaît pas la liberté. En théorie, il ne la connaît pas puisque c'est Inch'Allah. Mais il ne nie pas totalement que les individus, qu'il y ait une certaine valeur à reconnaître de la liberté aux individus. Mais il accorde une importance particulière à la pudeur, notamment à la pudeur des femmes. Et en Occident, en sens inverse, on ne nie pas non plus la pudeur, sinon tout le monde se promènerait tout nu lorsqu'il fait 40 degrés à Paris. Mais on attache beaucoup d'importance à la liberté et on ne conçoit pas qu'on puisse obliger les femmes à se voiler. Et surtout à se voiler complètement le visage pour qu'on ne puisse même pas les reconnaître. Ou même les yeux, comme le font les Afghans, les talibans afghans qui... Voilà ce que je voulais dire. Et je restez en ligne, si vous voulez, pour que vous puissiez participer à la discussion. Restez au téléphone. Et je me tourne vers Christophe Benn pour qu'il nous explique la seconde partie, peut-être, de son livre, l'idéologie moteur des régimes totalitaires. Christophe Benn. Tout à fait. Je parle de votre livre qui est « Décrypter l'antiracisme en une heure » aux éditions Tatami. Tout à fait. Alors, précisément, j'y venais. Je me permettrais juste de rebondir sur une chose qu'a dite Bernard Anthony. Quand il parle de la haine de l'être humain, quand il parle de l'antiracisme, je dirais qu'en fait l'antiracisme c'est la haine de la différence, et c'est ce que j'explique à un moment donné dans mon livre, c'est que la gauche antiraciste invoque souvent deux termes, la diversité et le métissage. Or, la diversité et le métissage sont deux termes, deux principes, deux notions qui sont intrinsèquement antagonistes. Moi, je suis un partisan de la diversité, la gauche antiraciste est partisane du métissage. Le métissage, c'est quoi ? C'est effectivement, comme vous le disiez, Henri de Lesquin, une dérive de l'universalisme qui est le cosmopolitisme, qui est une haine du réel, une négation du réel, qui a une vocation uniformisatrice, qui est le mondialisme. Voilà, le mondialisme est une nouvelle idéologie à vocation uniformisatrice. Et donc, cette nouvelle idéologie, que j'appelle le mondialisme, je la compare aux trois idéologies totalitaires du XXe siècle, le nazisme, l'islamisme et le communisme. Puisque dans les méthodes, dans les moyens, ils utilisent, voilà, les caractéristiques sont comparables. Voilà, c'est pour ça que je dis la négation de la réalité, en l'occurrence la négation de la race, est une idéologie, et l'idéologie est le moteur des régimes totalitaires, on l'a vu dans l'histoire, notamment au XXe siècle. Oui, Bernard Anthony ? Oui, je mettrai juste un petit bémol, à savoir que lorsque il y a un métissage tout à fait acceptable, c'est celui qui résulte de la rencontre de deux êtres de couleur de peau différente qui s'aiment, ça nous a donné Alexandre Dumas, d'autres aussi, c'est le bémol, ce que je combats moi, c'est le métissage en quelque sorte gratuit, laïque, obligatoire, qui résulte d'une volonté que vous décrivez très bien, d'indifférenciation générale. Et voici ce que j'ai écrit dans le petit article que je rédige en ce moment même sur justement l'évolution de l'antiracisme vers donc sa perversion absolue. J'écris ceci, l'antiracisme débouche sur un égalitarisme fanatique qui fait que, bon, il est interdit par exemple de prétendre que notre grand chef d'orchestre Georges Prêtre fait éclore une splendeur musicale supérieure à celle d'un insupportable batteur de tantam drogué. Voilà. Donc, non, mais ce relativisme est également une marque de l'utopie égalitaire. Tout vaut tout. Donc, Bernard, j'arrête parce que je crois qu'il est important de dire aux auditeurs de Radio Courtoisie, d'essayer de les convaincre que les différentes situations que nous connaissons et les différentes dérives que nous connaissons, en fait, ont bien sûr des particularités, mais se ramènent à une source commune qui est l'utopie égalitaire et qui conduit à ce cosmopolitisme tous azimuts. D'ailleurs, sur ce point, c'est la seule querelle purement sémantique que je ferai à Christophe. Je crois que le terme de mondialisme peut induire en erreur. Alors évidemment, les mots sont des étiquettes pour désigner les choses, mais que le terme de cosmopolitisme qui remonte à l'Antiquité grecque et qui est aujourd'hui revendiqué par exemple par M. Cohn-Bendit qui tient au Nouvel Observateur une chronique intitulée « La chronique d'un cosmopolite », c'est vraiment le terme propre pour désigner une philosophie, une idéologie globale qui n'est pas simplement de faciliter ou de déclarer comme un dogme que les mouvements d'hommes et de marchandises doivent être libres entre les nations ou que les nations doivent disparaître, mais c'est aussi un mouvement, enfin une idéologie qui est à la source du nonard décadent qu'on appelle l'art contemporain, qui est à la source de la théorie du genre, qui est à la source de toute cette immoralité ou cet immoralisme qui nous envahit. Ah oui, mais ça, je crois que d'ailleurs, c'est une idéologie trop cosmopolite, pour être honnête. Et vous avez très bien fait d'ailleurs dans votre commentaire tout à l'heure, Bernard-Anthony, le rapport entre l'antiracisme et l'idéologie du genre. Parce que l'antiracisme, évidemment, lui-même, à cause des mouvements migratoires qu'il suppose ou qu'il propose, est en rapport immédiat avec le versant mondialiste du cosmopolitisme. En revanche, l'idéologie du genre, elle n'a rien à voir. C'est purement interne et c'est une destruction directe de la famille et de l'identité. C'est encore ce que j'appelle une étape plus loin. Alors, Bernard-Anthony, je vais demander peut-être à Sophie de lire les messages des auditeurs et ensuite j'aimerais que nous ayons un peu de temps pour parler du sujet que j'ai promis de traiter, affaires et rumeurs. La campagne présidentielle sera-t-elle nauséabonde? Il faudrait quand même que nous ayons quelques minutes pour en parler. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Sophie. Vous écoutez le libre journal d'Henri Lesquin, réalisé par Franck, assisté de Sophie, et nous nous entretenons avec Christophe Benz, essayiste, ancien président du Mouvement des Jeunes pour la France, et par téléphone, Bernard Anthony, président de l'AGRIF, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne. Il y a en effet de nombreux messages d'auditeurs. Alors écoutez, malheureusement, nous allons tous les lire, mais pas pouvoir répondre à tous les messages. Lisez-les tous à la file. Et nous essaierons d'en retenir deux ou trois. D'ailleurs, ces messages sont parfois des observations et pas seulement des questions. Certains messages se rejoignent. Monsieur de Lesquin, il est pernicieux et à caractère de trahison de citer les mots du général de Gaulle à l'antenne. Cet homme a dit tout et le contraire de tout pour arriver à ses fins. Réparez votre déséquilibre. Alors, je vais immédiatement faire une dérogation à la règle que je viens d'instituer ou de rappeler. Je crois que cet auditeur ne se rend pas compte qu'il se comporte comme un homme de gauche. Car les hommes de gauche ne vous disent pas ce que vous dites, ils vous demandent d'où vous le dites. Donc je ne discute pas des positions du général de Gaulle dans tel ou tel domaine, de la manière dont il a réglé la question algérienne, ou de la manière dont il a laissé condamner Pétain, c'est autre chose. Je dis simplement, je fais une citation du général de Gaulle, je pense qu'elle est entièrement vraie, entièrement vraie, et je trouve, cher auditeur, que vous devriez vous dire, vous regarder dans la glace et vous dire, suis-je un homme de gauche ? Je ne le savais pas, mais maintenant je le découvre, car je suis comme les hommes de gauche, persuadé que ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens disent, mais d'où ils le disent. Ou qui le dit ? Bon, moi je crois que les phrases, les propos, les analyses ont une valeur par elles-mêmes, une valeur intrinsèque, quel que soit l'endroit d'où on le dit et quelle que soit la personne qui le dit. En l'occurrence, évidemment, si nous citons le général de Gaulle, c'est à cause de la réputation et parce que il est plus difficile de le traîner dans la boue que si quelqu'un d'autre, plus exposé, si Charles Maurras avait dit la même chose, évidemment, nos adversaires diraient, mais bien sûr, c'est ce raciste de Charles Maurras, alors que c'est plus difficile pour le général de Gaulle. Henri de Lesquin. Oui, Bernard, Anthony. Charles Maurras et Lénine ont dit la même chose, les faits sont têtus. Voilà. Voilà. Sophie, continuez. Un auditeur, monsieur de Lesquin, comment pouvez-vous être étonné des positions prises par monsieur de Villiers ? Il est évident qu'il a toujours été un sous-marin de Sarkozy. Une auditrice, monsieur de Villiers aurait-il oublié le livre qu'il a écrit sur les mosquées de Roissy en France ? Un auditeur, la LICRA soutient à 100% les immigrés. Une auditrice, il faut être logique, si l'on ne peut manger du porc en public, il faudra fermer les charcuteries. Une auditrice... Ce serait bien dommage. Une auditrice, aux USA, les scientifiques... Oh ! Aux États-Unis, pardon. Aux États-Unis, les scientifiques ont prouvé que les races existent depuis l'homme de Cro-Magnon. Et cela rejoint... Ce n'est pas seulement aux États-Unis, là, franchement. Enfin, continuez. Cela rejoint le message d'un auditeur qui dit que sans la séparation raciale, il n'y aurait qu'une seule espèce vivante à la surface de la Terre, et ce serait probablement un être monocellulaire, végétatif et sous-marin. La division raciale est la source même de la vie dans toute sa diversité. C'est la clé de voûte de la biodiversité qui est aujourd'hui, à juste titre, une des obsessions fondamentales de nos contemporains. Les antiracistes, avec leur politique d'homogénéisation par le métissage forcé et généralisé, mettent en péril la biodiversité humaine et donc les capacités d'évolution future de notre espèce. Un auditeur, dans tous les textes sacrés, qu'ils soient védiques ou bibliques, les races sont nommées, distinguées et caractérisées. C'est une évidence naturelle et surnaturelle. Un auditeur, le métissage conduira à la race unique, c'est exactement ce que souhaitent les racistes. Un auditeur... Les racistes ou les antiracistes ? Les antiracistes plutôt, officiellement. Un auditeur, dans un pays libre, n'a-t-on pas le droit d'avoir les opinions qu'on veut ? On n'a pas, sauf à être dans un pays totalitaire, à dicter aux citoyens leurs opinions et leurs choix politiques. Un auditeur, M. Benz prendra-t-il une carte du Front National ? Un auditeur, ces messieurs peuvent-ils nous expliquer pourquoi on a viré Zemmour et Nolot de l'émission de la télévision et qui a donné les ordres pour cela ? Un auditeur, Philippe de Villiers fait partie de ces nombreux politiques qui ont été téléguidés par les gaullistes UMP pour phagocyter les voix du Front National, tout comme le fait la soi-disant droite populaire. La France n'est peut-être pas une race, mais elle est composée de plusieurs ethnies. Un auditeur antiraciste et contre le racisme anti-blanc. Un autre auditeur signale à M. Anthony que « diabolos » en grec, c'est celui qui se met en travers du chemin, ce qui a donné également en français « diagonale ». Un auditeur proteste contre les affirmations de M. de Lesquin concernant le judaïsme. Cet auditeur a beaucoup d'amis juifs. La vraie citation appartient au comte de Bismarck qui disait « La distance qui sépare les Bavarois des Autrichiens est aussi grande que la distance qui sépare l'humanité des singes. » Alors, différentes questions. Commençons par évacuer les questions plus politiques ou politiciennes. Christophe Benz, alors je vous laisse répondre à ces questions. Oui, bien que je fût... À moins que vous vouliez vous refusiez de le faire. Hein. Non, simplement juste par rapport à l'auditeur qui indique que Philippe de Villiers est un sous-marin de l'UMP. Non, quand même. Je peux en attester, j'ai travaillé comme salarié pendant près de 2 ans au Mouvement pour la France. Je peux vous garantir que le Mouvement pour la France, je le défends, il faut restaurer la vérité, n'est pas un sous-marin de l'UMP. C'était simplement un choix stratégique de rentrer dans le comité de liaison de la majorité présidentielle, donc aux côtés de l'UMP, pour les élections locales, tout simplement. Voilà. C'est une vérité à rester. Il faut dire qu'après l'échec de la présidentielle, Villiers était coincé avant d'ailleurs, entre l'UMP et le Front National, et que c'était assez difficile pour lui de se faire un espace entre les deux. Exactement, et de toute manière, sur les élections régionales puis cantonales, il était impossible pour le Mouvement pour la France de partir seul. Alors, vous posez une question personnelle, mais ça va être une révélation si vous nous le dites. Allez-vous prendre la carte du Front National ? Ce n'est pas d'actualité. Voilà. Bien. Alors, je réponds à la question sur le judaïsme. Écoutez, moi, je suis absolument catégorique. Je crois qu'on peut distinguer, je ne sais pas si Bernard Anthony sera d'accord, je crains qu'il ne soit pas d'accord. Mais il va le dire d'ailleurs immédiatement, je le connais, il n'a pas sa langue dans sa poche, Bernard Anthony, n'est-ce pas, Bernard ? Oui, alors, donc, il y a des religions universelles. Si vous me donnez la parole. Il y a des religions universalistes et d'autres qui ne le sont pas, qui sont en fait racistes. Parmi les religions universalistes, il y a bien sûr le christianisme et surabondamment le catholicisme, puisque vous savez qu'en grec, catholique, ça veut dire universel. Bien. C'est une des raisons pour lesquelles la France est profondément universaliste. Et c'est même la raison principale. Et puis, il y a le bouddhisme, il y a l'islam, qui sont des religions universalistes. On peut dire le mal qu'on veut de l'islam, mais je suis le premier à le faire. Mais l'islam ou l'islamisme, ce qui est la même chose, c'est une religion universaliste. Et puis il y a des religions qui ne sont pas universalistes, qui sont racistes. La première d'entre elles en effectif, c'est l'hindouisme. L'hindouisme est une religion raciste, et même terriblement raciste, puisque nous qui ne sommes pas hindous, enfin je parle pour la plupart des auditeurs de Radio Courtoisie, eh bien nous sommes des hors-castes, même pas des gens de basse caste, mais des gens hors-castes, c'est-à-dire des intouchables épouvantables. Et dans la religion hindoue, notre seul espoir, peut-être, c'est dans une vie future de se réincarner comme des shudras, c'est-à-dire des gens au dernier étage de l'échelle des castes. Et puis, une autre religion qui est évidemment raciste, c'est le judaïsme talmudique, qui, avec sa notion de peuple élu, divise l'humanité en deux catégories, les juifs talmudiques, qui sont le peuple, c'est-à-dire la race élue, et les autres qui sont, il faut bien dire, des races inférieures. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que c'est tellement maniaque, d'ailleurs, dans sa volonté raciste, que pour être juif, on ne se convertit pas je parle du judaïsme orthodoxe, je ne parle pas du judaïsme réformé. Dans le judaïsme orthodoxe, pour être juif, il faut avoir une mère juive. Parce que, évidemment, les rabbins disent, dans le Talmud, que si c'est le père qui est juif, on ne sait jamais. Ce n'est peut-être pas le vrai père. Donc, seule la maternité fait le juif, ce qui montre bien. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez un peu à la littérature des organisations juives, vous verrez qu'il y a énormément de recherches génétiques pour essayer de démontrer que les juifs d'aujourd'hui, les membres du groupe ethnique juif d'aujourd'hui, donc adeptes du judaïsme talmudique, remontent aux juifs du temps d'Abraham, aux anciens hébreux, et qu'il y a des gènes communs. Donc je crois qu'on ne peut pas discuter sérieusement le fait que le judaïsme talmudique est une religion raciste. Bernard Anthony. Oui, écoutez, c'est un sujet très sensible au téléphone et très, très brièvement. C'est une question difficile à aborder, je ne crains pas d'aborder. J'ai écrit un livre de 600 pages qui s'appelle « L'histoire des Juifs d'Abraham à nos jours ». Je considère, quant à moi, que je suis, moi, l'héritier de la religion juive. Ma religion, c'est celle d'Abraham, de Jacob, c'est celle de Moïse, c'est celle du décalogue, et rien de plus universaliste que le décalogue. Alors ensuite, les juifs ont été confrontés donc à un carrefour, suivre le Christ ou ne pas le suivre. Beaucoup ont suivi le Christ, ses apôtres, les disciples. Tout au long de l'histoire, des juifs se sont d'ailleurs convertis au christianisme. Alors moi, je crois qu'il faut quand même faire attention. Des gens comme que je pourrais citer abondamment n'étaient pas des racistes. Marcel Proust n'était pas raciste, Bergson n'était pas raciste, Robert Aron, Raymond Aron. Donc qu'il y ait, et je l'ai noté, qu'il y ait dans ce que vous appelez le judaïsme talmudique. Ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça, Non, mais qu'il y ait dans ce que je préfère appeler les sectes racidiques, ultra-orthodoxes, donc qui vivent en secte. Non, mais attendez, Bernard Anthony, Mais là, c'est un sujet dont il est difficile de s'exprimer très, très courtement. Je vais le faire en un instant. Hein. Donc, qu'il y ait effectivement, donc je l'avais noté dans une brochure, des propos objectivement raciste. Lorsqu'on croise Henri dans Jérusalem, la vieille ville, j'y étais il y a donc un mois, donc ces juifs avaient leur streibel ou leur chapeau orthodoxe ou autre, donc ils ont une science de l'évitement. Nous n'existons pas pour eux. Nous sommes soit impurs, soit non existants. C'est une réalité. Mais mon grand ami, grand médecin israélien avec qui j'étais, mais me disait c'est exactement pour moi. Hein, donc il me lapide si je viens en voiture le jour du Shabbat. Je suis pour eux un traître parce que je suis un patriote israélien. Je crois qu'il faut bien distinguer ces choses. Non, mais moi je ne parle pas des hommes en particulier. Je sais très bien de tout ce que vous dites. Vous connaissez énormément. Je parle de la religion. Je suis en accord avec vous, Henri, sur ce que j'appellerais une religion du mur. Attendez. Qui s'est muée, en quelque sorte, qui s'est desséchée. C'est le père Brudberger, le grand aumônier et grand écrivain d'ailleurs, que j'admire. Attendez. Je l'ai dit plusieurs fois à l'antenne de Radio Courtoisie, et je pense que vous ne me démentirez pas, le christianisme est un judaïsme évangélique. Le christianisme, c'est l'épanouissement de la religion de l'Ancien Testament. Pour schématiser, il faut distinguer, Bernard Anthony, l'ancien judaïsme sacerdotal qui a disparu après la destruction du Temple, le judaïsme pharisien ou le judaïsme pharisaïque qui est devenu le judaïsme talmudique, et le Talmud a recueilli les propos des fameux pharisiens de l'époque du Christ dont on parle dans les Actes des Apôtres et dans l'Évangile dit ce que vous savez. Donc le judaïsme talmudique d'aujourd'hui, c'est le judaïsme pharisaïque, c'est celui des gens qui ont demandé la mort de Jésus. Oui. Et saint Paul le dit, et je répète la référence, 1er épître de Thessaloniciens, chapitre 2, versets 14 à 16, saint Paul dit exactement et précisément, ils ont tué le Seigneur Jésus. Oui. Voilà. Henri, donc, je connais saint Paul, je ne dis pas à peu près par cœur. Eh bien, il dit ça exactement. Saint Paul dit cela, mais il dit aussi que ce peuple, bénéficie de l'alliance de Dieu, malgré tous ses défauts, celui-ci d'abord. Pas ceux qui ont tué Jésus, non, ça il le dit, des anciens juifs, mais bien sûr que non. Mais attendez, il n'a jamais dit que ceux qui avaient tué Jésus auraient un privilège par rapport à ceux qui ont suivi Jésus, voyons. Non, attendez, je voudrais bien savoir où il a pu dire ça. Non, ça non. Bon, alors, je voudrais maintenant que nous quittions ce sujet. Non, Henri, vous parlez, non mais c'est simple, parce que là je ne vais pas vous lire tous les épîtres de saint Paul. Donc il y a dans saint Paul l'épître aux Thessaloniciens, il y a aussi l'épître aux Romains, je l'ai lu, qui je permet l'ai... d'avoir une vision équilibrée des Juifs, comme celle de saint Bernard, comme celle donc de l'enseignement de tous les papes. Donc je pense que là, que vous attaquez le judaïsme talmudique, oui, en fait, le Talmud, parce qu'il ne faut pas le Talmud, c'est pas un petit livre rouge, c'est pas Mein Kampf, ce sont des dizaines de milliers de pages de casuistique, avec tout et son contraire. Voilà. Mais pour autant, moi, ce que je crois, c'est que les Juifs sont religieusement dans un enfermement, et voilà pourquoi moi je prie pour leur conversion. Je crois que au fond, ils sont une religion desséchée, et que il faut prier pour Bernard Anthony, le Christ. Je voudrais que nous parlions quelques minutes, parce que malheureusement le temps compte, de la cour, de la campagne présidentielle. Donc nous allons quitter l'antiracisme et le livre de Christophe Benz, Décrypter l'antiracisme en une heure. Nous allons quitter la griffe. Rappelez-nous quand même rapidement, en une seconde, l'adresse de la griffe. Gentil Henri. 70 boulevard Saint-Germain. 70 boulevard Saint-Germain, donc Paris 7e. Paris 5e, 70 boulevard Saint-Germain. Donc, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, le premier devoir que vous avez, je me permets de vous le dire, c'est d'aider Radio Courtoisie à vivre, à se développer, donc cotiser ou faire des dons à Radio Courtoisie. Et ensuite, dès que vous aurez fait ce premier devoir, eh bien, si vous voulez lutter pour le redressement de la France et la défense des valeurs universelles qui sont le propre de l'identité nationale et française, eh bien, n'hésitez pas à adhérer à la griffe, comme je l'ai fait moi-même, sans être tout à fait certain d'être à jour de ma cotisation, je le confesse. Mais je suis toujours membre de la griffe. Hein. Oui. J'espère que je n'ai pas été victime d'exclusion. Vous êtes super membre. Ah, trop gentil. Alors, nous allons maintenant dire un mot, parce que je voudrais dire un mot en quelques minutes. Pour répondre à la question « Affaires et rumeurs, la campagne présidentielle sera-t-elle nauséabonde ?» Et alors je voudrais dire très rapidement que je ne suis pas un adepte d'habitude des hypothèses de complot. Je ne parle pas de la théorie du complot, qui est un terme vague. Mais en général, je crois que les hypothèses du complot manquent de preuves et que par conséquent, elles ne sont pas crédibles. Et je dois dire que j'ai lu dans Le Monde, il y a quelques jours, un article tellement extraordinaire, que je commence à me poser des questions. Lorsque l'affaire du 14 mai 2011 s'est produite à l'hôtel Sofitel de la Nouvelle-York, où M. Strauss-Kahn a été arrêté, non, il a été arrêté à l'aéroport, mais après ce qu'il avait fait ou ce qu'il était accusé d'avoir fait à cet hôtel, des rumeurs ont circulé sur Internet, et j'en ai reçu un certain nombre, selon laquelle, en fait, l'élimination de Dominique Strauss-Kahn était une opération voulue, sinon par Sarkozy lui-même, mais par ses affidés qui ont voulu éliminer un rival dangereux ou qui ont voulu jeter le trouble dans le camp socialiste. Et je pensais que c'était de la haute fantaisie. Or, Le Monde a publié en page 3, il y a quelques jours, un article absolument incroyable sur toute une page qui raconte qu'au moment précis où se produisaient ces faits à New York, Nicolas Sarkozy assistait à un match de football, une partie de football au Stade de France. C'était PSG contre Lille. Et il y avait là, dans la tribune présidentielle, non seulement Martine Aubry, c'est-à-dire la deuxième personne après lui la plus intéressée à l'élimination de Strauss-Kahn, mais également un policier de haut vol qui n'était autre que le chef de la sécurité du groupe Accor. Groupe Accor dont dépend l'hôtel Sofitel. Et c'est cet homme, ensuite, qui a informé l'Élysée, paraît-il, et cet homme se trouve être un ami de longue date de M. Ange Mancini, lequel Ange Mancini est le chargé de la sécurité à l'Élysée. Alors, je n'accuse personne parce que ce serait diffamatoire, mais avouez que c'est quand même extrêmement troublant pour ceux qui croient qu'il y a eu un complot, une manipulation, c'est-à-dire qu'on savait par où pêcher la Miss Strauss-Kahn, et donc on dit qu'on lui a mis dans les jambes ou dans les pattes une femme qui ensuite a porté plainte contre lui. Et il avait même dit aux journalistes qu'il craignait que ça lui arrive. Et je trouve que je ne crois pas beaucoup au complot, mais là, je trouve que la coïncidence est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'au moment précis où se produisaient ces événements, le responsable de la sécurité, c'est-à-dire le chef de celui qui était responsable de la sécurité à l'hôtel Sofitel, était avec Nicolas Sarkozy. Alors voilà, je livre cette information qui n'est pas contestée à l'antenne de Radio Courtoisie et aux éditeurs de Radio Courtoisie. Donc ce monsieur, qui est un policier de haut vol, qui avait été le chef de la brigade contre le banditisme, c'est l'homme qui a dirigé l'opération d'élimination de Messrine, et je répète, ami proche de Ange Mancini, chargé de la sécurité à l'Élysée, était à côté de Nicolas Sarkozy, président de la République, et de Madame Aubry, au moment où il est arrivé ce que vous savez à Dominique Strauss-Kahn. Voilà, le fait est tout à fait étonnant et peut nourrir l'hypothèse du complot. Voilà ce que je peux dire, je n'en dis pas plus. Je ne peux pas en dire plus. Voilà, je ne sais pas si vous voulez faire un commentaire, Christophe Benz ou Bernard Anthony. Moi, un petit mot si vous voulez, Henri. Je me méfie un tout petit peu, tant que nous n'avons pas d'épreuves, au fond, des théories du complot. Sur cette affaire-là, j'en ai lu beaucoup. Alors, mais là, ce sont des faits, hein. Oui, non, mais ça, je ne nie pas les faits. Comme je le disais tout à l'heure, soit avec Lénine, soit avec Charles Maurras, les faits sont têtus. Et il faut toujours les prendre, finalement, en considération. Et quelquefois, ce qui se passe, c'est l'inattendu. Par exemple, vous voyez, j'ai lu tellement de choses. J'ai, sur mon bureau, là, j'ai jeté un coup d'œil, là. Une revue qui est en mensuel de la famille. Non, mais là je suis obligé de vous interrompre parce que nous devons lire le courrier des auditeurs. Ah, d'accord. Et écoutez, si vous voulez, vous réinterviendrez dans mon émission. Juste 30 secondes, je voulais dire que, par exemple, dans une revue de la famille, je lis que l'affaire Strauss-Kahn, c'est un épisode de la lutte à mort entre juifs et francs-maçons. J'ai vu ça, oui, ça me paraît assez curieux. Bon, ça, merci beaucoup, Bernard Anthony. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de la GRIF. Et à bientôt à l'antenne de Radio Courtoisie. Merci beaucoup. Merci. Radio Courtoisie. Radio Courtoisie. Nous allons lire, chère Sophie, le courrier des auditeurs. C'est vous qui commencez. Un auditeur de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, qui s'adresse à Henri de Lesquin et qui envoie 100 euros. « Cher Henri de Lesquin, avant de partir pour les vacances d'été, je tenais absolument à vous adresser ce modeste don qui, je l'espère, aidera notre radio à faire face à ses importantes dépenses de fonctionnement. Avec mes amicales salutations à vous-même, ainsi qu'à toute l'équipe si efficace et si sympathique. » Un couple d'auditeurs de Chartres, dans l'Eure-et-Loire, qui envoie 40 euros. À notre tour, nous apportons une deuxième contribution pour que notre radio puisse payer ses charges très importantes. Nous sommes à l'écoute 7 jours sur 7. Avec nos chaleureux remerciements pour tous, recevez notre reconnaissance. Un auditeur de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, qui envoie 200 euros. Nous ne pouvions pas rester sans répondre à l'appel de M. de Lesquin pour que vive notre chère radio. Ainsi, voici une cotisation supplémentaire à notre prélèvement automatique mensuel. Merci à tous pour votre dévouement et la qualité de vos émissions. Une auditrice de Garges-lès-Gonesse, dans le Val d'Oise, qui envoie une carte représentant un chat, accompagnée d'un chèque de 60 euros. Chers amis de Radio Courtoisie, voici ma cotisation pour vous souhaiter un bon été à tous. La photo de la petite chatte doit vous faire penser à la petite praline. Bonne continuation et toute mon amitié. Un auditeur de Paris qui envoie 100 euros pour que vous teniez bon. Une auditrice de la Salle-Saint-Cloud dans les Yvelines qui envoie 80 euros. Voici une modeste participation, mais je suis veuve, j'ai de plus en plus de petits et arrière-petits-enfants et les retraites ne suivent pas. J'écoute Radio Courtoisie le soir de 19h à 21h et quelquefois le bulletin de réinformation. J'aime bien les émissions religieuses, l'histoire, la musique et l'art en général. Si mes finances me le permettent, je compléterai en cours d'année. Une auditrice qui préfère garder l'anonymat et qui envoie 40 euros en espèces. Bonjour à tous, voici ma cotisation annuelle. Ne m'adressez pas de remerciements, je me ferai gronder par mon mari. Vous êtes ma famille de cœur et je suis toujours d'accord avec vous. Merci d'être là, merci pour vos émissions si intéressantes et toujours si bien parlées. Je vous embrasse bien affectueusement, bon courage. Un couple d'auditeurs de Toulon, dans le Var, qui envoie 100 euros. Merci à tous. Un auditeur de la Varenne-Saint-Hilaire, dans le Val-de-Marne, qui envoie 150 euros. Voici cette petite participation à la vie d'une radio réellement libre et de grande qualité. Un auditeur de Paris qui envoie 100 euros. Cher mousquetaire, dans la nuit de nos ignorances et de nos incertitudes, vous êtes l'une des rares flammes qui brûle encore. Merci pour votre travail de réinformation. Bien amicalement à toute l'équipe. Un auditeur de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, qui envoie 130 euros. Voici ma cotisation pour l'année 2011. J'espère aussi vous permettre de franchir la période estivale. Je voudrais aussi vous dire et redire que Radio Courtoisie est indispensable, surtout quand on compare la qualité et la hauteur intellectuelle de ses émissions à l'indigence de quelques radios disponibles en province où malheureusement Radio Courtoisie fait défaut. Recevez l'assurance de ma haute considération. Eh bien, merci, chers auditeurs, de vos encouragements qui nous vont droit au cœur. Merci à tous ceux qui nous aident, à tous ceux, aux 2% d'auditeurs, qui devraient, j'espère, être un jour 3%, 4%, qui donnent de l'argent pour soutenir leur chère radio. Et je remercie particulièrement ceux qui ont répondu à mon appel au secours pour l'été, comme cet auditeur de Nanterre qui tenait absolument à nous envoyer son don avant de partir en vacances. Ou comme l'auditeur de Paris qui avait écrit, qui nous écrit tout simplement « pour que vous teniez bon ». Je compte sur vous, comme ces auditeurs, ne partez pas en vacances sans avoir envoyé votre contribution à Radio Courtoisie, qui, elle, ne prend jamais de vacances, qui n'abandonne jamais ses auditeurs. Radio Courtoisie est la seule radio au monde qui ne vit que grâce aux dons et cotisations de ses auditeurs. Nous avons besoin de vous, pensez à nous, aidez-nous, faites-vous connaître et envoyez vos contributions, vos dons, vos cotisations. Pour entrer dans la grande famille de Radio Courtoisie, vous pouvez le faire, soit par chèque, adressé à notre secrétariat 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Soit par Internet, via PayPal, avec une simple carte bancaire, www.radiocourtoisie.fr. Soit par prélèvement automatique sur simple demande écrite ou téléphonée. Dans tous les cas, vous aurez un reçu de vos versements. 40 euros, c'est la cotisation minimum. C'est pour permettre à tous d'adhérer à l'association. Mais le montant minimum souhaitable de la cotisation est de 120 euros, qui est le montant de la redevance audiovisuelle. Il y a une déduction fiscale pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu. 66% si vous versez 120 euros à Radio Courtoisie, grâce à la déduction fiscale, vous n'aurez à payer finalement, en fin de compte, que 40 euros. Vous pouvez aussi vous abonner à notre bulletin revue à l'écoute de Radio Courtoisie, qui fait maintenant 12 pages, sur simple demande adressée à notre secrétariat, prix de l'abonnement 10 euros pour 12 numéros, soit 3 ans d'abonnement, puisqu'il est maintenant trimestriel.